Nous allons passer à la deuxième intervention par Cyril Moreno Al-Ajami, qui est un théologien et qui va nous parler du le Coran est-il la source du sexisme en islam. Peut-être essayer d'être un peu moins lisse et un peu moins consensuel pour aller explorer des zones plus, un peu moins de confort. En premier lieu, je tiens à remercier les organisateurs de ces deux journées consacrées au thème femmes, liberté et droit en islam. Je dirais que si toutes les femmes de tous les horizons, non pas depuis la nuit des temps, mais depuis que le pouvoir existe en société, sont victimes de l'oppression ordinaire de la part des hommes ordinaires, le lien fait à la thématique de ce colloque entre femmes et islam indique que notre sujet de préoccupation concerne une catégorie spécifique, la femme musulmane. Pas même la musulmane, car ce thème suppose en lui-même une symétrie et une égalité avec les musulmans, mais bien les femmes musulmanes dont la particularité est d'être victimes de leur statut de femme et de leur statut de croyante. Enfin, je vous remercie par avance d'avoir souffert de ce que l'on me prenne ici la parole, ce n'est toutefois pas en tant que comme que je m'exprimerai, mais en tant que sincère défenseur de l'humanisme, de la lutte contre les injustices, les oppressions et la violence des pouvoirs, ici, cela est un fait aux femmes. Notre titre, le Coran est-il la source du sexisme de l'islam, pose d'emblée la nature du lien entre le Coran et l'islam. Et nous verrons qu'il est essentiel pour penser juste et utile de bien identifier et surtout de dissocier deux entités, le Coran et l'islam, qui sont trop souvent confondues. Mais que faut-il entendre par source ? L'islam, à la différence du judaïsme et du christianisme, se réclame du Coran en tant que religion révélée, en quelque sorte une religion descendue de ciel, ce que nul historien des religions ne peut valider, mais ce que la raison non plus ne peut pas comprendre. Une question se pose alors, quel est le lien herméneutique exact entre le Coran source et l'islam religion ? L'image réponse est la suivante, tout autre source lorsqu'elle arrive au pied des montagnes sacrées, sauf aux hommes qui, ayant peur de perdre ce précieux don du ciel, s'empresse de l'apprivoiser, mais aussi l'indique. Les eaux ainsi maîtrisées, comme si elles n'avaient plus de profondeur, sont alors le miroir de nos désirs, miroir qui renvoie à celui qui s'y penche sa propre image. Le premier cercle herméneutique est ainsi fondamentalement narcissique. L'homme n'entend plus la parole, l'homme le connaît, il contemple son propre reflet, l'homme éclaire ce qui devait l'éclairer. Alors, ce n'est pas de la poésie. Mais c'est pour aborder trois paradigmes qui me paraissent essentiels dès lors qu'on veut aborder un texte aussi surchargé et interprété que le Coran. Car toute origine de ce cercle herméneutique primitif est donc une blessure narcissique que nous sommes guère enclins à affronter. Par ailleurs, ce sont en réalité deux cercles herméneutiques qui sont à l'œuvre dans notre compréhension du Coran. Le premier, c'est le paradigme islamique. Qui repose sur le paradigme islamique, à savoir, pour les musulmans, l'islam est le fruit du Coran. De la sorte, lorsque nous étudions le Coran, c'est en réalité l'interprétation qu'a fait l'islam que nous percevons. Notre compréhension du Coran est alors dirigée et dictée par ce qu'on peut appeler le cercle herméneutique islamique. Le deuxième repose sur le paradigme islamologique, à l'inverse, pour l'islamologue, le Coran est le fruit de l'islam. Cela signifie que le Coran ne doit pas être considéré comme étant la source de l'islam, mais qu'il serait un texte maintes fois remanié afin d'être mis en conformité avec les besoins de la construction de l'islam. Ce présupposé alimente alors le cercle herméneutique islamologique. Nous avons deux cercles de fondements différents et qui finalement fonctionnent en parallèle. Ceci nous amène à une notion fondamentale, du moins de mon point de vue, le paradigme coranique selon lequel le Coran est alors le fruit de l'humain. Je veux dire, par paradigme coranique, nous entendons la grille de lecture du Coran résultant de la compréhension du Coran par lui-même, ce qu'on appelait autrefois Tafsir al-Qur'an du Coran. C'est un concept exégétique qui existe anciennement, mais qui n'a jamais finalement été mis en application jusqu'à nos jours. Selon cette démarche, une démarche donc d'intratextualité, non pas d'autodéfinition, mais d'auto-explication du Coran, le tout pour une partie et inversement, cette approche est définie le cercle herméneutique coranique. Or, nous allons constater l'importance de cette approche du Coran par lui-même si l'on veut briser le cercle herméneutique islamique et de même rompre le cercle herméneutique islamologique. Ce n'est qu'à la condition de cette double rupture que l'on peut rétablir réellement le Coran en tant que source fondamentale du renouveau de la pensée religieuse et non pas en répétant en boucle ce qui se dit depuis plus de 1000 ans. La question est alors pourquoi le Coran, lorsqu'il est lu par lui-même et non plus selon les grilles de l'islam, peut-il participer à la cause du féminisme islamique ? Et moi, je me situerai précisément sur ce sujet. Bien évidemment, postuler que le Coran puisse être le défenseur de la dignité et de l'égalité en droit des femmes présuppose quelques prolégomènes interrogatifs. En gros, quels que soient les champs concernés, orthopraxie, islamisme, féminisme islamique, le Coran est sans doute la source scripturaire admise par tous, l'argument d'autorité par excellence. Et donc, c'était souhaitable de nous pencher sur cette référence-là. Or, si le Coran et l'islam n'étaient que deux aspects d'un même discours, alors un croyant ou une croyante sont en droit de se poser et de poser les questions suivantes. Si le Coran et l'islam tiennent le même propos, alors Dieu serait-il sexiste ? Ce qui veut dire, Dieu est-il donc machiste, phallocrate, misogyne, patriarcal ? Mais ce n'est pas une blague. Dieu est-il un homme sans un mâle ? Ou bien sont-ce les hommes et les mâles qui ont refaçonné Dieu à leur propre image ? Pourquoi un Dieu mâle, sans compagne, dit le Coran, aurait-il voulu que l'on opprimât les femmes des hommes ? Faut-il alors parler du sexisme du Coran ou du sexisme de l'islam ? Les réponses apportées renvoient de notre humanisme, car de la dignité des femmes dépend en vérité la dignité des hommes. Si à ces questions, en tant que croyantes et croyants, nous répondons non, alors nous devons partir du principe que le Coran n'est pas un lui-même sexiste. Nous sommes donc dans l'obligation de supposer que seules les interprétations du Coran faites par un islam sexiste lui donnent en apparence au Coran ce caractère. Alors, je peux donner l'impression de me positionner en tant que croyant, mais on peut se tenir exactement les mêmes réflexions sur un observateur externe à la scène de l'islam. Que dit donc le Coran de l'égalité femmes-hommes ? Dès lors que l'on recercle l'herméneutique islamique et islamologique et que l'on parvient ainsi à lire le Coran selon son propre paradigme, on est en mesure de découpler la compréhension du Coran des significations imposées par l'islam. Donc on sort alors aisément le fait suivant, le Coran établit de manière remarquable sept niveaux d'égalité homme-femme. Alors ce sont ces sept niveaux d'égalité que je vais brièvement exposer. Vous avez les versets qui apparaissent donc en arabe et en français. Les segments clés sont soulignés à chaque fois, donc pas besoin de les relire nécessairement. Ici, pour le terme des anges, l'islam empruntant un élève biblique, voit ici la femme créée uniquement en tant qu'épouse de l'homme. Donc, les anges est pris ici en tant qu'épouse, ce qui n'est pas le cas dans ma traduction, parce que là, c'est ma traduction, c'est pas la traduction, on va dire standard, qui dit ici Dieu a créé de l'homme son épouse. C'est écrit comme ça. Mais le mot Zaouj, quand on le prend en dehors justement de cette vision biblique, et qu'on considère ici l'unicité initiale, Wahida, de l'être, Nafs, implique que Zaouj est ici un de ses sens premiers, voire son sens premier d'ailleurs, de équivalent ou de complémentaire. Le terme Zaouj comme celui de complémentaire mixte, ce qui renforce le concept d'égalité ontologique créationnelle de l'homme et de la femme. Et ce type de verset, parce qu'on le retrouve plusieurs fois dans le verset, dit bien que l'homme et la femme sont créés d'un être unique, ce qui nous permet de considérer que ontologiquement, ils sont dès le départ égaux. À partir de cette égalité ontologique, on peut passer à l'égalité de genre, et ici, c'est clairement inscrit, Dieu fait don de fille à qui il veut, fait don de garçon à qui il veut. Ce verset indique la conséquence directe de l'intrinsèque égalité ontologique de l'homme et de la femme, je viens de le dire. De fait, il s'inscrit clairement contre les mœurs des Arabes, qui s'honoraient de la naissance d'un nouveau néma et s'affligeaient de la naissance d'une fille. Il y a plusieurs autres versets du Coran qui critiquent justement cette position. Rien ne justifie donc ici dans le Coran la discrimination de genre dont les femmes sont logées en islam. Troisième niveau d'égalité, l'égalité intellectuelle. Alors ici, on peut se référer à des versets qui semblent en relation avec l'histoire d'Adam et Ève au paradis. Ce qui est remarquable dans ces versets, c'est qu'ils sont toujours grammaticalement de la forme duelle et que ça se traduit toujours en français par tous deux. Donc en fait, le Coran ne s'adresse pas à Adam dans cette histoire-là, mais lorsqu'il revisite ici le mythe judéo-chrétien dit de la Genèse, il déconstruit le schéma traditionnel misogyne, la femme n'est pas la seule coupable, une éternelle tentatrice. En ce verset et en d'autres, l'entité unique archétypale, Adam-elle, et non pas Adam et réel est responsable à part égale de la décision prise et ils en assument conjointement les conséquences. Ainsi, fondamentalement, selon cette approche coranique, la femme n'est pas inférieure à l'homme en matière de raison, mais elle est son exact similaire. Quatrième niveau d'égalité, l'égalité sociale. Les croyants et les croyantes sont soutien intime les uns pour les autres. Et qu'est-ce qui est manifestement indiqué, et on voit dans la suite du verset que c'est un comportement social, hein, si vous regardez. Donc, ici, manifestement indiqué une parfaite réciprocité de participation à la société des femmes, des hommes et des femmes. Elle concerne ce verset celles et ceux dont la seule identité sociale est basée sur la foi. Ni les unes ni les uns ne sont donc jugés plus aptes les uns que les autres à défendre l'ordre public et la moralité. Hommes et femmes forment ici une même et unique communauté sociale de participation conjointe et solidaire. Ceci est une base coranique concrètement importante pour le combat des femmes musulmanes. Alors ici, ce verset est très clair, mais qui aura un vrai lien homme ou femme en tant que croyant. Ce verset insiste sur le fait qu'hommes ou femmes sont égaux tant au niveau de la foi que de la valeur de leurs actes. Du reste, ceci est directement la conséquence logique de deux des points précédents, l'égalité ontologique et l'égalité en raison. Cette égalité en foi sous-entend une égalité quant à la foi. Rien donc en la matière ne devrait distinguer les hommes des femmes. Et là, il est vrai que le Coran est totalement muet, et donc il ne dit mot qu'on sent, c'est la règle même d'un texte révélé sur la participation aux activités religieuses, une maman par exemple, les femmes, etc. Il y a vraiment, logiquement, finalement, rien n'est précisé en la matière. Et du point de vue grammatical, on peut remarquer qu'il est écrit en arabe wa mu'minun, alors qu'avant il est marqué min zakarin al-unsa, c'est-à-dire en français on voit bien homme ou femme en tant que croyant, sauf que le Coran ici utilise un mot mu'min qui lui est masculin. Et on a une des très nombreuses preuves dans le Coran que lorsque le Coran s'adresse, peu importe finalement même le genre des mots, il s'adresse aux hommes et aux femmes. Et ici, vous voyez, c'est manifestement « min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun » c'est littéralement qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, et il est croyant, tout en étant croyant. Je ne parle pas du pluriel, puisque le pluriel en arabe, finalement, c'est comme le pluriel en français, c'est le genre neutre. L'égalité spirituelle, sixième palier, lorsque ici il s'agit du cas de Marie, il dit le purifié par Dieu. Selon le Coran, Marie est le modèle insurpassable de la réalisation spirituelle, ceci avant même qu'elle ne fût ancêtre de Jésus, il faut le préciser dans la logique de ce propos coranique. La voie spirituelle féminine est ici hautement célébrée. Enfin, septième et dernier palier, l'égalité eschatologique. Ce verset se situe au jour de la résurrection, pardon, et concerne exactement les hommes et les femmes à égalité. Dernier palier de cette ascension égalitaire, il découle logiquement des niveaux successifs d'égalité que nous venons d'évoquer, que hommes et femmes seront égaux au jour du jugement. Le seul critère mis en jeu est maintes fois répété par ailleurs dans le Coran, et la prise en compte de ce Coran accompli homme ou femme, les Zakarina Hamza, les uns comme les autres, par le commun, par l'idée de le Coran, c'est-à-dire en toute égalité et en toute équité. Alors, ces conditions de parfaite égalité homme-femme, comment le Coran, en pleine contradiction, pourrait-il donc avoir édicté pour l'éternité les 5 grandes inégalités que nous allons envisager à présent? Et conséquemment, comment le Coran pourrait-il soutenir autant d'injustices à l'encontre des femmes? Il s'agira pas d'une liste exhaustive, les points sont très nombreux, mais les points que nous allons examiner sont tout autant de poncifs répétés à l'envi, tant par les franges conservatrices de l'islam, comme par le front d'une islamophobie assumée, et même celui d'une ignorance par défaut. Bien évidemment, il s'agit aussi d'inégalités majeures au cœur même du combat féministe. Or, nous allons l'entendre, ce n'est pas le Coran qui prouve ces inégalités, mais l'interprétation que les hommes de l'islam ont fait d'un certain nombre de versets coraniques. Alors, le premier point va être un peu long, je m'excuse, mais ce sujet est tellement souvent remis sur le tapis, si j'ose dire, que je mérite un minimum d'explication. L'inégalité en matière de témoignage, c'est connu de tous. Un seul verset est pourtant en cause dans le Coran, il traite de la mise par écrit des dettes à terme. Alors, si nous lisons ce verset selon les paradigmes islamiques et même islamologiques, l'affaire est entendue, le témoignage d'une femme ne vaut que la moitié de celui d'un homme, chose est dite. Comme le dit un célèbre hadith, la femme est alors moindre en intelligence, narsab et arme. C'est écrit dans le marbre. Cependant, contrairement à l'ensemble des présupposés qui structurent nos préjugés et donc influencent nos herméneutiques, le Coran postule clairement et à trois reprises de l'égalité de l'homme et de la femme en matière de témoignage. Lors du témoignage requis pour la rédaction du testament, post-mortem, le wasiya, on y reviendra, lors de la procédure de séparation de deux époux, laquelle doit être faite devant témoin. Dans ces deux versets, rien n'indique le genre des témoins, mais seulement dit « zawi adlin », c'est-à-dire il faut qu'ils soient intègres. Et la reformulation est neutre et mixte en genre. De même, concernant l'accusation de l'adultère dans la procédure dite d'Eléa, un homme accuse sa femme d'adultère et une femme accuse son mari d'adultère avec la même valeur de témoignage. Est ainsi mis à jour le paradigme coranique égalitaire en matière de témoignage. Donc soit le Coran se contredit dans ce fameux verset, soit c'est nous qui n'avons pas su voir où étaient les différences et surtout à quel endroit on avait instrumentalisé le texte, du moins au niveau du sens. Et là on va voir que c'est aussi au niveau de la lettre. À ces conditions, on note donc qu'il est dit dans notre verset référent, alors un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez en tant que témoins, hommes et femmes, dans ce segment, sont donc des témoins à part entière, dès lors qu'ils sont reconnus fiables, puisqu'il est dit ce que vous agréez en tant que témoins, hommes et femmes. À partir de ces données littérales coraniques, il n'est déjà plus possible de supposer que le témoignage de la femme serait inférieur à celui de moitié à celui de l'homme. Et de plus, j'ajouterai que la fiabilité d'un individu ne peut pas être divisée en deux. C'est un concept, finalement, qui n'a quasiment aucun sens rationnel. Par ailleurs, il est dit, de sorte que si l'une d'elles venait à s'égarer, l'autre lui le rappellerait. Donc ça, l'histoire bien connue. Alors, il ne s'agit pas ici de qualifier toutes les femmes oublieuses, si on y réfléchit, puisque le second témoin femme pourrait lui aussi oublier, et ainsi presque à l'infini. Et on sait alors que la formulation est au conditionnel, « antadillah », au conditionnel en arabe, et que comme on l'apprend à la fin de ce verset, je ne vais pas mentionner ici, ce n'est là qu'une hypothèse envisagée dans le cas où des hommes exerceraient des pressions sur les témoins, et en l'occurrence les témoins femmes, ce qui à l'époque était très facile à réaliser dans ce genre de circonstances. Autrement dit, il est plus difficile de manipuler deux personnes qu'une seule. C'est ça la lecture qui permet de respecter le principe d'égalité. C'est donc en réalité les malversations de l'homme à l'encontre des femmes qui étaient ici visées, et non pas l'inverse. De plus, et surtout, il existe dans ce segment une variante de récitation, très rara, selon laquelle on récite Fatouskira, qui veut dire « alors elle est comme un homme ». Et non pas, celle qu'on est habitué à lire dans le Coran, Fatouzakira, alors elle le rappellerait. La différence est significative car la variante Fatouskira, alors elle est comme un homme, indique clairement qu'en ce cas, le témoignage de l'autre femme, s'il y en a une qui est défaillante parce qu'on a exercé contre elle des pressions, alors le témoignage de l'autre femme est l'équivalent de celui d'un homme. Il est alors cohérent de considérer que Fatouzakira représente la version de base et que Fatouzakira est en réalité une modification de nature sexiste pardon, traduisant la volonté juridico-exégétique d'infléchir ici le sens du Coran. Et il est dans la lettre, c'est la problématique des très rares du Coran, des variantes de récitation. On ne va pas l'aborder ici, mais c'est un sujet qui, du point de vue exégétique, est très important. La compréhension littérale de ce verset selon le paradigme coranique égalitaire montre donc que le Coran reste cohérent en matière de témoignage quant à l'égalité homme-femme, tant dans ce verset que dans les trois autres versets où c'était indiscutable et ça n'a jamais d'ailleurs été discuté. Seule l'interprétation soutenue par l'islam prétend le contraire, s'opposant en cela au Coran. Nous avons abordé une deuxième inégalité tout aussi connue, tout aussi patente, flagrante et navrante, pour avoir énormément. Et pour l'islam, l'homme a droit au double de la part attribuée aux femmes, pour faire simple. En l'occurrence, prévoit en matière en réalité, en matière d'héritage, deux mesures. Le premier, on peut traduire un parallèle testamentaire, le wasiya donne une libre donation libre et non contingentée, selon lequel le Coran dit aux hommes une part et aux femmes une part. Ce legs testamentaire a pour le Coran, qui plus est, un caractère prescriptif. La deuxième mesure, dit la loi, ce qu'on appelle couramment l'héritage, dans la vie et le langage en islam, concerne donc cet héritage-là, concerne en réalité ce qui n'aurait pas été légué antérieurement par Moisillon. Preuve en est que dans les versets en question, qui traiteraient de Hirs, il est répété à 4 reprises, Membar di Moisillon, Yousabia, Audin, c'est-à-dire après dévolution du legs testamentaire qu'il avait testé, une dette. Ce n'est donc finalement ce qu'on appelle l'héritage, alors n'est rien d'autre en réalité que l'héritage du reliquat qui n'a pas été légué de manière libre et obligatoire par le Moisillon. On peut qualifier l'héritage à côté part puisque c'est calculé la moitié la moitié. C'est-à-dire la distribution à part fixe de ce qui aurait été omis lors de la réaction du legs testamentaire le Moisillon. De plus, si le legs testamentaire Moisillon a un caractère prescriptif, d'un point de vue Kataba, je l'ai souligné, le mode de l'héritage à côté part de Rika, le Wars, a logiquement, lui, un caractère facultatif, et on le retrouve dans le texte, puisqu'il est dit dans les 2 versets en question, Yosikumba, et à la fin du dernier verset, voici à tout Mimamba, le verbe ça signifiant conseiller, recommander, et donc bien dit, Dieu recommande de répartir ce qui restera du reliquat qui n'aura pas été impérativement prescrit dans le récit. Nous pouvons donc constater, sans avoir changé un mot du texte, avoir juste bien regardé ce qui était dit, nous pouvons donc constater que l'interprétation réalisée par l'islam a procédé à une double inversion. La première consista à inverser l'ordre de priorité en priorisant l'héritage d'Al-Wars par rapport au legs testamentaire Al-Wasiya, et on a même été jusqu'à décider qu'Al-Wasiya a été abrogée parce qu'elle posait un problème à la volonté dominante, et ce qui est donc finalement l'inverse du Coran. La deuxième consista à inverser le caractère prescriptif entre la Wasiya qui était obligatoire et l'héritage qui était secondaire. L'islam a inversé exactement l'ordre de priorité, à nouveau à l'inverse du Coran. Alors, l'inégalité en matière de couple, le verset lui est extrêmement connu, c'est le fameux segment qui dit Arjija, le Kawamoun à la Nissa. Le mot Kawamoun est compris par l'exégète et donc l'islam comme signifiant avoir autorité, les hommes ont autorité sur les femmes, c'est pas ce qui est écrit ici, puisque ça c'est la traduction. Les hommes ont autorité sur les femmes, la chose est dite, et au sens large. Pour autant, le mot Kawamoun se comprend sans peine, en fonction du paradigme coranique égalitaire dont nous avons déjà traité, comme signifiant avoir des responsabilités, et c'est tout à fait littéral. De même, le segment qui suit, Bima Fandallah Bardokuma la Bardine, a été compris par les agences, pas en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, c'est-à-dire les hommes, sur celles-ci, c'est-à-dire les femmes. La femme serait ici nettement inférieure à l'homme, et ce, de par volonté de Dieu. En réalité, ce syntagme est neutre en genre, et toujours une lecture conforme à l'égalitarisme coranique, non sexiste et non patriarcal, qui se comprend sans peine comme signifiant en fonction de ce que Dieu favorise certains hommes d'entre eux par rapport à d'autres hommes. Finalement, c'est en fonction des moyens que chacun eut, et il s'agit d'ailleurs d'une responsabilité, pas même une obligation d'ordre pécuniaire, puisque la fin du verset dit bien « dépense de leurs biens », donc ça cadre le sujet, il ne s'agit pas d'un problème d'autorité sur les femmes. Il suffit de dire jusqu'au bout de la ligne, en fait, ce n'est pas fait. Cette lecture-là, cette traduction-là, est en parfaite harmonie et cohérence avec le paradigme égalitaire du Coran, encore une fois. Égalité en matière de dignité, frappe sa femme. Nous retrouvons ensuite du même verset de Surat An-Nisa, elle aussi tristement célèbre. Selon l'exégèse de l'islam, ce segment est lu comme suit, et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elle dans leur lit et frappez-les, votre bon. L'objet du délit est ici le verbe d'arava pris pour frapper. Or ce verbe connaît une quarantaine de sens, dont 2 nous intéressent en ce moment, frapper et s'éloigner. Néanmoins, on pourrait nous opposer que pour que le syntagme Wadribouna ait pu signifier et éloigner Boudel, il aurait fallu nécessairement qu'il fût gouverné intransitivement par la préposition An, c'est-à-dire en arabe Taraba Anhouna, ce qui n'est effectivement pas le cas. Or, en arabe préclassique, et tout particulièrement en arabe coranique, la régularité n'est pas de mise quant à l'usage du transitif et de l'intransitif. Voici un exemple coranique, toujours avec le verbe d'Araba, qui est pris dans ce rang de kaf, en disant d'Arabna ala azanihim, notamment nous frappant sur leurs oreilles, action qui normalement en arabe classique se dit d'Arabna azan, Donc, sans le recours à la proposition, voilà. Donc, l'usage du transitif et intransitif n'est pas un argument en la matière. Et ici, rien n'interdit linguistiquement parce que le Coran emploie transitivement la locution, avec donc le sens éloignez-vous d'elle. Et on comprend à ce moment-là qu'il y a un minimum de sagesse et de pédagogie dans cette approche-là, qui cherche le verset 35 qui fait suite à celui-ci, bien que ce qui est recherché, c'est l'union entre les gens et pas la séparation. C'est la dernière chose qui va être envisagée au verset 35. Donc cette proposition, elle aussi, est parfaitement cohérente avec le sens égalitaire et respectueux des femmes que nous avons précédemment établi pour le début du verset. Il n'est donc pas possible de frapper sa femme avec le Coran, comme celui-ci. L'inégalité sexuelle, cinquième point. Le sujet de l'inégalité sexuelle peut être traité par le biais de la polygamie, puisque la polygamie est avant tout une manifestation dissymétrique de la sexualité. Un seul verset est en réalité apporté au dossier, on en a ici l'extrait principal. Et si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, alors épousez comme il vous plaira 2, 3, 4 parmi les femmes, mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Et il faut souligner dès à présent, alors une seule. Il y a un problème, c'est qu'en ce verset, on ne peut pas comprendre directement le lien qu'il y aurait entre la protection des orphelins, qui est annoncé au verset d'avant et qui est repris ici, dans ce verset 3, c'est déjà annoncé dans le verset 2. On ne peut pas comprendre le lien entre la protection des orphelins et la limitation de la polygamie à 4 épouses. Vous pouvez chercher, il n'y a pas de rapport logique entre ces deux articulations, deux propositions. Alors, ceci étant précisé, on observe alors qu'il n'est pas dit épouser 2, 3 ou 4 femmes. Parce que en arabe, 2, 3 ou 4 femmes, ça se dit isnan, wasalas, wa arba. Mais très précisément, il est dit masna, wasulas, wa arba. C'est ce que je l'ai souligné là. C'est une tournure très particulière qui qualifie exactement le fait d'épouser 2 femmes à la fois, 3 femmes à la fois, 4 femmes à la fois. Et ça, c'est irréductible du point de vue linguistique. En soi, cela limite en réel le nombre de co-épouses. Oui, c'est écrit dans le texte. J'ai rien inventé. Cette position coranique est logique, parce que épouser 4 épouses au maximum plutôt que 3 ou 5 ne va rien changer à la nature injuste de la polygamie. Pourquoi 4 ? Quelqu'un s'est-il déjà posé cette question ? Il s'agit donc en réalité de retrouver la cohérence entre les orphelins et ce qui est dit de la polygamie, pour le Coran de critiquer la polygamie en établissant une analogie entre l'injustice faite aux orphelins spoliés par leur tuteur et celle faite aux femmes spoliées par la polygamie. Il y a ici des points de suspension dans la traduction en français qui représentent ce qu'on appelle le tardir, qui avait bien été observé par des gens comme Tabari ou Az-Zamakhshari. Il y a un segment, il y a quelque chose de sous-entendu dans la phrase pour qu'on puisse la comprendre. Et ça, c'est très fréquent en arabe et c'est très fréquent dans l'arabe coranique. Le tardir ici, le sous-entendu est facile à repérer. Il s'agit de dire, en fait, tout comme vous craignez de ne pas spolier les orphelins, tout comme vous ne craignez pas, de spolier les orphelins, alors persistez dans l'injustice en continuant à épouser les femmes par 2, par 3, par 4, comme vous avez l'habitude de le faire. Contrairement à l'idée reçue de tous et de toutes, le Coran n'a donc pas légiféré sur la polygamie. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est la réalité textuelle. Il n'a pas légiféré sur la polygamie en limitant le nombre de co-épouses à 4, et ça c'est irréductiblement inscrit. Cependant, il a établi en ce verset un parallèle entre l'injustice commise à l'encontre des orphelins et l'injustice que la polygamie représente envers les femmes. Au nom de la justice et de l'équité, ceci vaut donc la voie à la disparition de la polygamie au profit de la monogamie, alors une seule, c'est écrit ici, et c'est rappelé à d'autres endroits dans le Coran. L'égalité en matière d'espace public, occasion d'aborder rapidement l'expression phare de la vision sexiste de l'islam, le voile. Je le dis comme ça parce que je sais qu'on peut le justifier de 10 000 façons, mais pour être sincère, d'ailleurs, cette position de l'islam est connue et elle n'est pas coranique. En réalité, elle emprunte au sexisme de Paul de Tarse. Je ne vous rappellerai pas les écrits dans l'épître aux Corinthiens, si ma mémoire est bonne, ils sont terribles, ainsi qu'aux pratiques et aux conceptions de la femme des juifs et des chrétiens. Parce que le verset référent est le suivant, et c'est le seul. Dit aux croyantes qu'elle refaine certains regards et qu'elle soit chaste, il a été dit la même chose au verset 30 pour les hommes, égalité, qu'elle ne montre de leur beauté que ce qui est pas vrai, et surtout qu'elle couvre de leur étoffe, homo, leur décolleté, joyeux. Alors, La déconstruction du segment clé est à présent connue. Moi, je l'ai publié là-dessus il y a plus d'une dizaine d'années. Je rappellerai donc uniquement les deux grandes lignes. Et qu'elle couvre de l'orthophe chromo dans des connotés joues. Donc, c'est le segment clé. Le verbe mis en jeu, c'est encore le verbe d'araba, mais qui présentement peut signifier rabattre, couvrir, recouvrir. Le terme joyeux, lui, provient de la racine jaba, femme. Il évoque étymologiquement l'échancrure de la poitrine, la naissance des seins. C'est ce sens restreint que prend le terme décolleté, le joyeux traduit par décolleté. Le terme chromo est le terme chimar, il dérive de la racine chamara, couvrir, envelopper, et désigne donc étymologiquement tout ce qui sert à cacher et à dérober au regard. C'était encore la définition que lui donnait Amis Fahani au IVe siècle, et même qu'on retrouvait dans le Mouata bien avant de l'imam Bani, qui n'avait pas cette notion de voile. Vous pouvez aller vérifier vous-même dans les ouvrages. Donc tout ce qui sert à cacher, à dérober au regard, c'est ça le chromo. Nous en déduisons que par chima, il faut comprendre seulement la fonction que le Coran nous confère, tout ce qui peut être utile à cacher le décolleté. Ce verset ne dit rien d'autre, et ne peut dire rien d'autre. Sinon, il faut forcer le texte, et c'est ce qui a été fait. L'objectif textuellement déclaré est donc un rappel de pudeur compréhensible. Le port du voile est ainsi qu'une fiction exégétique destinée à occuper les femmes de l'espace public, c'est-à-dire celui des hommes. Cinq minutes. Ah, possible, ça va. C'est possible. Tout est possible. Dernier point, l'inégalité en matière de mariage religieux, nous le savons tous et surtout toutes. L'homme musulman peut épouser une Kitabiya, une juive, une chrétienne, alors que la femme musulmane reste propriété de l'islam qui lui interdit tout mariage interreligieux. Et il y a plus de 10 ans, là aussi, j'avais montré qu'il s'agissait là d'un dépassement du ton du texte coranique qui, lui, ne fixait qu'une seule limite, tant aux hommes qu'aux femmes musulmanes, l'interdiction du mariage avec un ou une polythéiste. Et le verset, vous l'avez sous vos yeux, il s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes, et aucun autre verset ne vient du Coran, ne vient contredire cette symétrie, ainsi que la limite fixée aux uns et aux unes, ne pas épouser un ou une polythéiste. Limite qui se comprend très bien dans paradigme coranique qui est monothéiste et qui s'arc-boute contre le polythéisme. Par ailleurs, nous noterons qu'en ce verset, la volonté et le désir de la femme sont pris au même degré que celui de l'homme. Mais au-delà même du mariage, mais dans ce qui motive les relations homme-femme, puisqu'il est dit ici qu'elle vous enchante ou qu'il vous enchante. Le verbe arabe est plus précis peut-être que ça. Arajabakoum, c'est vraiment quelque chose qui dit elle vous plaît, il vous plaît. Et là, à égalité, c'est quand même. Il faut le souligner ici, et je sais que ça fait beaucoup au même niveau. Quant au verset 5, il faut le dire de la Sourate 5, précisant aux hommes qu'il leur est possible d'épouser une juive ou une chrétienne, il est souvent pris comme contre-argument. Or, il ne fait que spécifier ce qui avait été préalablement indiqué en ce verset que nous venons de survoler, quant à la limite à ne pas franchir, épouser un ou une polythéiste. À cela, il ne remet pas en cause la symétrie de genre en matière de mariage interreligieux. En conclusion, nous aurons souligné à partir de quelques exemples que l'islam est indubitablement sexiste. Moi, je le dis sans aucun embâge, et que pour ce faire, il se réclamait entre autres du Coran, ce qui est plus problématique. Cependant, j'aurais montré que dès lors que nous comprenons le Coran sans passer par la grille de lecture surimposée et imposée par l'islam, c'est-à-dire selon le cercle hermeneutique coranique, la compréhension à ce moment-là, le Coran était fondamentalement égalitaire et qu'il ne pouvait être considéré comme la source du sexisme en et dans l'islam. Restitué dans son contexte historique, cette prise de position coranique, l'égalité totale entre les hommes et les femmes, si elle ne peut être qualifiée de féministe, sous peine d'anachronisme, n'en était pas moins révolutionnaire pour son temps. Or, du fait même de son caractère précurseur, le message égalitaire du Coran semble pas avoir été entendu par les premiers hommes, mâles, de la période post-coranique. Le Dieu du Coran n'est donc ni machiste, ni misogyniste, ni patriarcal, et que l'on soit croyant ou non, forcé de constater qu'il existe un réel hiatus, un différentiel littéral entre le texte coranique et les interprétations que l'islam en a promues. Ainsi, pouvons-nous affirmer que le Coran n'est pas coupable du crime sexiste de l'islam. De même, un tel divorce herméneutique entre le Coran et l'islam permet de soutenir sans fausse pudeur intellectuelle que l'islam est logiquement sexiste. En effet, Qu'y a-t-il d'étonnant au fond à ce que la religion islam soit sexiste, puisque comme toute religion, l'islam est le fruit d'une longue et patiente élaboration humaine inscrite dans l'histoire et marquée du sceau des mentalités de ses penseurs et concepteurs qui visiblement étaient tous des gens de cette nature-là. Je souhaitais insister, ce qui est logique pour l'époque, je souhaitais insister aussi sur la possibilité et l'intérêt pour la pensée et la lutte féministe islamique de pouvoir sainement s'appuyer sur la source originelle que le Coran, à condition bien sûr qu'il soit compris indépendamment de l'islam. De même, le parcours coranique que je viens de vous imposer, voire de vous infliger, avait pour but de pointer du doigt la confusion permanente qui règne entre Coran et islam au sein des débats et des combats, qu'ils soient islamiques ou non, si le Coran est la cause, en tout cas pas la conséquence. Il ne s'agit donc pas de combattre le Coran à cause de l'islam, mais bien au contraire de prendre le Coran comme allié à la juste lutte du féminisme et de l'islamique. Ainsi, la cause des femmes peut-elle et doit-elle se prévaloir de la protection des encouragements du Coran, l'argument d'autorité par excellence, nous ne l'oublions pas, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là dans une logique intra-musulmane. Si toute lutte féministe est nécessairement sociale, politique, le combat des féministes en islam a donc pour particularité d'être aussi un défi exégétique, voire théologique. En cela, notre meilleure arme reste le Coran, une fois bien compris, c'est-à-dire pour ce qu'il dit, non pas pour ce que les hommes lui font dire. Bien que cela puisse sembler une aporie inaccessible pour les laïcistes et les ultra-séculiers, j'appelle donc à une libération des femmes par la révélation. Mais parce qu'en toute passion, il faut savoir raison garder, je voudrais indiquer que les efforts de toutes et de tous ne doivent pas tomber dans le même travers. Ainsi, si incontestablement les mâles exégèstes ont interprété le Coran selon un processus que l'on peut qualifier de textostérone, le mot n'est pas de moi, la juste cause féministe doit éviter en retour d'interpréter le Coran en mode féministe, c'est-à-dire d'en réaliser une extrogenèse. Enfin, ne peut-on pas espérer que sous les auspices de la lettre de l'esprit du Coran, musulmans et musulmanes parviennent à trouver un lieu de partage, de fraternisation et de paix. Je vous remercie de votre attention.